Bonjour, je vous propose d'écouter une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 16 décembre 2000 et qui s'intitulait « Le diable existe-t-il ? » Vous allez avoir la réponse, bien sûr. Mon invité était Robert Muchamblé. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Mon grand Lucifer, inspire-moi. Je ne suis qu'un démon de deuxième classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Oh, génial Lucifer, toi seul as des idées pareilles. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, bonjour, nous allons ce matin parler du diable, au cours d'une émission qui aura lieu naturellement en direct, ce qui est une manière de donner, ce qui me paraît fair play, toute liberté à Satan, d'intervenir s'il le souhaite à l'improviste et de bousculer l'ordonnance de nos propos. De ma conversation avec Robert Muchamblé, professeur à Paris 13, qui vient de faire paraître une passionnante histoire du diable. Voici un quart de siècle, on pouvait se demander si Lucifer n'était pas en passe d'abandonner l'Occident. Roger Caillois écrivait en 1974 « Ce siècle peut passer pour celui de la disparition, ou tout au moins de l'éclipse, ou de la métamorphose de l'enfer. » Mais avec une prudence prémonitoire, Caillois ajoutait aussitôt « Chassez l'enfer, il revient au galop. » Et de fait, en cette fin de siècle, on est frappé par deux phénomènes. D'abord, l'Église catholique a réaffirmé vigoureusement l'existence du malin par la voix de Paul VI en 1972, puis de Jean-Paul II en 1994 et en 1998, et elle a défini un nouveau rituel des exorcismes en multipliant le nombre des prêtres chargés de cette fonction. Je vous étonnerai peut-être en vous disant qu'ils sont passés de 15 à 120 en France. Il se peut que cette insistance renouvelée sur la figure de Satan traduisent en fait une volonté de reconquête des esprits, tentée récemment, et en particulier aux États-Unis, c'est le second phénomène frappant de notre époque, tentée par de multiples sectes et doctrines ésotériques construites autour de pratiques satanistes. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Mais mon cœur, depuis des jours, pour un gars se meurt d'amour. Un jour passant dans la campagne, vers moi pensif, il est arrivé. Des yeux à faire abattre les montagnes, des épaules qui vous font rêver. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au diable. Mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours. Bonne chance contre l'amour. Mais connais le diable et son... Vous avez reconnu Léo Marjane, c'est elle qui a vendu son âme au diable, une chanson de 1943. Robert Muchamblé, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir. Avec une voix un peu voilée, je me demande si c'est pas la première intervention du diable dans notre émission. Certainement, mais vous commencez très fort puisque vous avez mis tout de suite l'accent sur le rapport entre la femme et le démon. Parce que dans la société occidentale, c'est effectivement une des grandes idées. Alors ce diable, il faut que nous allions le chercher au-delà de la période de l'occupation, au-delà de notre actualité, en arrière. Ce que vous montrez bien dans votre livre... C'est que, et c'est un peu surprenant, l'histoire du diable commence assez tard, en fait. On pourrait penser que ça remonte à plus haute antiquité. Celle-là. En tout cas, 12e siècle, vous dites. Oui, celle-là, parce que l'image sur laquelle nous existons aujourd'hui est une image relativement tardive. Mais le principe du mal, et bien sûr, on le trouve dans la Bible. Et on le trouve dans toutes les civilisations. Simplement, me suis rendu compte que, le moment où le démon a pris la forme que nous lui connaissons dans nos imaginaires s'est passé quelque part vers la fin du Moyen-Âge. Le temps où l'Église a décidé de synthétiser toutes les formes démoniaques qui allaient un peu dans tous les sens. Jusque-là, il y avait une sorte de concurrence entre les différentes figures du mal, non ? Tout à fait. Les figures du mal n'étaient même pas obligatoirement des figures du mal. C'était des forces ambivalentes qui étaient généralement dispensatrices aussi bien de dons que de tourments. On pouvait parfaitement se lier au diable. Et la chanson de Léo Marjane tout à l'heure, elle est exactement le point d'arrivée, parce que c'est quelque chose de devenu tragique plus tard. Cette ambivalence du tragique et de la tendrissante, de la proximité, de la sympathie, on va la retrouver tout au long de cette histoire du diable. On va la retrouver aussi sous des formes de traditions populaires qui n'ont jamais disparu. Par exemple, la croyance que le démon peut être roulé, qu'on peut réussir à pactiser avec lui puis ensuite à le tromper ou encore à le tuer. Des chercheurs folkloristes ont trouvé toute une série de légendes au 19e, au 20e siècle. Je veux dire que cette vieille tradition qui est d'avant la constitution de la figure épouvantable n'a pas du tout disparu. On la trouve encore, par exemple, dans les sectes sataniques d'aujourd'hui, on trouve cette ambivalence ? Je pense qu'on peut la trouver, mais certaines sectes ont versé délibérément du côté le plus tristement diabolique, c'est-à-dire le plus épouvantable. Et puis d'autres sont quelquefois un peu folkloriques. On avait des adeptes dans les années 70 ou 80 de sectes sataniques françaises qui étaient persécutées par le fisc, par exemple. Et toujours cette double face, avec une double part face. De sombre et une part de cocasse. Une part de cocasse qui n'a pas du tout disparu, même quelquefois chez certains exorcistes officiels qui sont capables de faire la part du démon, comme on dit. Alors, la période où vous commencez votre histoire du diable, c'est donc 12e, 13e siècle. 12e, 13e. Où le diable passe d'une situation relativement, comment dire, dominée, un peu raillée, moquée, bernée parfois, et il va peu à peu s'installer dans sa majesté. C'est ça, c'est une volonté ici qui vient simplement d'élites chrétiennes, qui vient des moines, qui vient de ceux qui ont envie de faire disparaître ce qu'ils appellent des superstitions, des croyances inacceptables, parce que ces croyances permettaient beaucoup de choses. On pouvait tellement commercer avec le démon qu'on pouvait lui demander de bâtir la cathédrale de Cologne et ensuite de le tromper. Il était tellement furieux qu'il partait en claquant la porte. C'est pour ça qu'il y a une fissure la porte de la cathédrale de Cologne. Ce sont les explications qu'on donnait traditionnellement au Moyen-Âge d'un diable qui, au fond, était un pauvre diable. Il était facilement roulé dans la farine par les humains, ou bien on le collait à l'intérieur, on le faisait monter dans un arbre où il y avait de la glu, il ne pouvait plus descendre, etc. Donc, l'Église considérait que ces choses-là n'étaient pas simplement du folklore, elle avait raison. C'était la croyance fondamentale que le sacré est ambivalent. C'est-à-dire qu'il porte le bien et le mal en fonction de ce qu'on lui demande. Et ça, ce n'est pas le christianisme. Donc elle s'est attaquée à cette ambivalence du sacré pour bien définir que seul le sacré divin existait, que tout le reste est profane, et le démon a été placé peu à peu à l'intérieur du sacré chrétien, dans une construction très hiérarchique et très, très étagée, où il obéit carrément à Dieu. Ah, il s'arrache à un certain héritage du paganisme, parce qu'au fond, à la période antérieure, il a des apparences les plus diverses. Les plus diverses. Serpent de la Genèse, dragon païen, chien, chouette, bouc, bien sûr. Oui. Avec la vieille association avec Pan, on retrouve absolument tradition. De tout. Absolument de tout. Je dirais même, ce sont des traditions, puisque les Celtes ou les autres peuples avaient chacun leurs démons. Les bandes dessinées d'aujourd'hui se souviennent de Cernunnos, qui est un dieu celte, mais c'était aussi un démon, un diable celte, mais un diable plus ou moins ambivalent. Effectivement. Ou bien Robin Hood, Robin des Bois, était un démon anglais. Ah oui, avant d'être le personnage tout très à fait, positif. C'est le nom populaire, l'un des noms populaires du diable en Angleterre, où on l'appelait encore Tricky Dicky, c'est-à-dire Dick le rusé. C'est tendre comme surnom. Voilà, ce sont des surnoms amusants parce qu'au fond, c'est un homme, le démon. Il sent mauvais, mais il est capable de souffrir, de peiner. Encore au XVe siècle, un religieux a raconté les histoires du démon qui avait énormément de mal à transporter son énorme queue en enfer, puis qui subissait les outrages de sa femme qu'il battait. C'était un diable d'autrefois. Un pauvre garçon. Mais en même temps, au XVe siècle, c'est déjà le temps où on a le sentiment qu'il y a une sorte de figure triomphante de Satan qui va émerger des enfers sous l'effet de la volonté de l'Église et qui prend une importance croissante. Peut-être absolument. Au moment où l'Europe, précisément, cherche plus de cohérence religieuse et invente de nouveaux systèmes politiques. Absolument. Ça apparaît notamment dans l'art, c'est-à-dire dans la représentation d'un enfer épouvantable, qui est le meilleur moyen d'essayer de séparer le sacré du profane. Et dans les fresques de San Gimignano, en Toscane, au XIVe siècle, on a un démon épouvantablement énorme, une sorte de dinosaure, quelque chose qui dépasse les humains de très loin, qui les broie, qui les écrase, qui les mange, avec une armée de séides épouvantables. Alors là, on passe effectivement dans une construction qui est une construction volontaire. C'est une construction venue du haut de la chrétienté pour s'imposer à la population. Elle ne s'imposera jamais totalement, mais elle va peu à peu prendre de plus en plus d'ampleur. Et la peur du diable, c'est ce que voulait l'Église, la peur de cette charge infernale va devenir de plus en plus intense. Un pacte avec le diable avant le XIIIe siècle, on peut s'en sortir, on peut réussir à le tromper. À partir du XVe siècle ou du XVIe siècle avec Faust, on ne peut plus réussir à s'en sortir. Les traits finalement maléfiques, les traits négatifs du diable s'accentuent, est de plus en plus monstrueux. Et c'est la volonté des clercs, probablement. C'est la volonté des clercs. Imposé dans les esprits, c'est une espèce de souverain impitoyable qui règne sur les armées de séides infernaux occupés pour l'éternité à punir les pécheurs dans les flammes, c'est ça. C'est ce que vous dites, et c'est tout à fait d'ailleurs. Après vous, je vous ai lu ça. C'est la représentation d'ailleurs de l'idéal politique du temps, en un certain sens. Le démon, c'est intéressant, un parallèle entre l'idée du diable et l'idée voilà, du plus souverain. Les gens ont pris, les clercs ont pris ce qui existait ou ce qui était en train de se produire dans la réalité politique. Ils imaginaient le souverain comme quelqu'un d'impitoyable et de puissant, différent des autres hommes. Et puis le démon, on lui a donné les caractéristiques d'un empereur ou d'un roi qui réussirait parfaitement. Et effectivement, le démon suit la trajectoire politique. Lorsque la royauté se construit de plus en plus solidement et qu'elle devient la royauté absolue dans divers pays européens, eh bien le démon aussi devient absolu au fond. Il règne comme un prince sur des enfers hiérarchisés. La hiérarchie. Avec des groupes sociaux, avec des différences énormes entre eux. Avec volonté, en somme, d'affirmer parallèlement le pouvoir de l'Église tout et à le fait. Pouvoir de l'État. C'est une sorte de symbolisme qui est très efficace, qui affirme à la fois la volonté césaropapiste de l'Église, faire un État très puissant, par exemple un pape comme Jules II, et en même temps celle des grands souverains catholiques qui ont à peu près les mêmes objectifs. Effectivement, le démon se développe en même temps que le type de pouvoir à l'occidental, au moment où l'Europe est en train d'accéder à la conquête du monde en même temps, où elle se donne des structures politiques extrêmement solides. Vous nous dites, c'est assez curieux, qu'en fait le diable devient un des moteurs de l'Occident, de sa dynamique sociale, de sa dynamique de conquête. Oui, ce n'est pas du tout une pirouette, c'est que les missionnaires, tout comme les conquérants, un Pizarro ou un Cortés, s'en vont avec comme objectif de faire tomber dans le plateau de la balance les âmes de païens qui risquent de toute façon, si on ne les convertit pas, d'aboutir à l'échec du plan divin, puisque l'Apocalypse est proche. C'est-à-dire, au XVIe ou au XVIIe siècle, ces gens-là ont en esprit que le démon est très proche, qu'il arrive, et qu'il faut absolument le combattre. C'est pour ça qu'ils sont allés convertir les masses aztèques ou les incas, et qu'ils ont voulu absolument les convertir, même par la force, parce que sinon, c'était autant de millions d'âmes qui allaient peser du mauvais côté, parce que c'était imminent. La fin du monde était proche. La conviction de Luther aussi, pour une bonne partie de sa vie. C'est la conviction de Luther aussi, qui a d'ailleurs une conception du démon extrêmement intense, et qui la voit partout, dans les mouches qui tournent autour de lui, et en particulier dans les excréments des mouches sur les papiers, parce qu'il détestait les mouches qui venaient ainsi déposer leurs crottes sur le papier, lorsqu'il était en train d'écrire. C'est là qu'est le diable pour Luther. C'est le démon pour lui. La mouche est effectivement diabolique. Ben, c'est justement, alors l'étape suivante de la réflexion, c'est comment le diable s'incarne, parce qu'il est à la fois ce souverain effrayant, maléfique, puissant, dynamique et majestueux, et en même temps, il prend figure de façon étrange, une présence dans des enveloppes bestiales. Je voudrais vous faire entendre, Robert Muchamblé, un extrait d'un journal présenté par Yves Mourouzi, le 19 septembre 1974, actualité 13h, qui peint la réaction, qui décrit la réaction d'un prêtre exorciste. Des exorcistes, il en existe. Des exorcistes professionnels, des prêtres dont la mission principale consiste à traquer le démon. L'exorciste pour la région parisienne, c'est le père Gessland, un brave père qui porte une barbe blanche et qui parle volontiers lorsqu'on lui tend un micro. Gilbert Bicard l'a rencontré et le père Gessland lui a raconté comment s'est passée la première entrevue avec une petite fille qu'on lui avait emmenée et qui était envoûtée. Ça m'amuse un peu votre question, mais enfin c'est une question sérieuse. Et je vous dirais tout simplement que le pape, dans la profession de foi qu'il a adressée au monde catholique il n'y a pas longtemps, affirme l'existence du diable à deux endroits de la profession de foi. Et vous, vous l'avez rencontré? Oh, ceci... Écoutez, je n'aime pas beaucoup cette expression-là, de dire que j'ai rencontré le diable. Hein, c'est-à-dire que j'ai affaire à lui. C'est fort rare de rencontrer des cas de véritable possession diabolique. Hein, je rencontre beaucoup de gens puisque... Je déclare que j'ai eu au moins plus de 4000 consultations depuis 68. C'est-à-dire c'est après mai 68 que j'ai commencé ma fonction d'exorciste. Alors j'ai eu au moins plus de 4000 consultations. Disons que ça peut faire, disons, 3000 consultants. Parce qu'il y en a qui reviennent plusieurs fois. Au moins ça. Eh bien, je puis dire que probablement, j'ai vu deux cas de possession diabolique. Mais là encore... Je ne veux pas me prononcer de ma propre autorité. Ce sont des faits tellement mystérieux, hein, qui nous dépassent, qu'il faut une autorité plus forte que moi pour se prononcer, ce serait l'autorité de l'Église. Or, l'Église ne se prononce jamais sur les cas de possession. Les cas de possession que j'ai rencontrés sont deux cas de petites filles qui avaient chacune 13 ans. Alors voilà comment les phénomènes ont commencé. Tout d'abord, quand elles passaient devant le compteur électrique, les lampes s'éteignaient. Et puis voilà que la vaisselle se mettait à danser. Les objets qui étaient sur la table dégringolaient. Ils étaient bien placés, mais dégringolaient quand même. Un transistor est tombé, il s'est cassé. Et plus drôle, la petite était couchée dans son lit le soir et ses vêtements de nuit partaient. Et puis elle restait toute nue sous ses draps. Hein? Curieux, intéressant témoignage. Septembre 1974 encore, Robert Muchamblé. Oui, d'abord, on note que le diable s'est déchaîné après mai 68, ce dont on ne doutait pas. Mais nous avons aussi tout à fait la localisation du démon. Il est dans le corps et il est en particulier dans le sexe. C'est une idée extrêmement précise qui se développe notamment dans l'iconographie à partir du XVIe siècle. Le sexe féminin, le sexe masculin aussi, mais l'intérieur du corps, les viscères, sont habités par le démon. Le démon peut pénétrer facilement par cela. Donc il faut faire très attention à soi. C'est en même temps une des manières, j'ai dit que le diable était un moteur de l'Occident, il a appris aux gens à se surveiller eux-mêmes. Il faut surveiller sa propre sexualité, sinon... C'est parallèle à l'évolution d'un regard de l'Église sur la sexualité, infiniment moins tolérante à tout à fait. Que l'époque moderne progresse. Tout à fait, si et elle a réussi à intégrer cela... elle a réussi à intégrer cela à travers ce phénomène, c'est-à-dire elle a réussi, par la peur, à faire croire à ce que le dogme ne réussissait pas à interdire. Se surveiller soi-même et surveiller sa sexualité, au fond, si on est convaincu qu'on risque d'avoir à l'intérieur de soi des vipères, des serpents, des animaux de toute nature qui sont des représentations du démon, on a peut-être plus envie d'éviter ce genre de phénomène. Et la possédée dont parle le père, c'est Carrie au bal du diable, de Brian De Palma, le film Carrie au bal du diable, une petite fille qui a précisément tous ces signes, lévitation. Le démon est capable de se présenter sous n'importe quelle forme, mais dans l'être humain, il se met dans les parties basses. Donc instrumentalisation moralisante par l'Église tout de ce pauvre Lucifer. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a les sorcières alors qui sont une incarnation. Il faut que nous disiez un mot exactement. Des sorcières. Le mythe du sabbat, ça remonte au début du XVe siècle. Pas tout à fait. Ça a commencé très lentement au milieu du XVe siècle et surtout dans les grands manuels de démonologie, de chasse aux démons de la fin du XVe siècle. Mais le vrai mythe du sabbat, il a fallu attendre encore un petit siècle. Les comme années un grand ce fameux procès d'Arras alors, 1459, 1459-60 par Arras. Sorcellerie, non? Oui, on les appelait des vaudois sorciers. Et il y avait 32 personnes qui étaient accusées, mais le mythe n'était pas encore complet. On les accusait d'aller au sabbat, mais il n'y avait pas encore l'ensemble des phénomènes qui vont être définis juste un siècle plus tard, en gros. Trois choses. Le démon touche ses victimes et leur met une marque diabolique. Lisible, qui est généralement dans un côté gauche du corps, dans l'œil, dans le sexe, etc. Deuxièmement, il les fait venir à une messe à l'envers qui s'appelle le sabbat diabolique, c'est-à-dire ils sont censés faire une sorte de rite chrétien complètement inversé. Et troisièmement, il les oblige, en leur donnant des poudres et des onguents, à rentrer chez eux et à faire beaucoup de mal, à faire mourir les animaux, les gens, etc. Ça, c'est la conception de la présence diabolique. Si bien que les prétendus sorciers et sorcières ont été des gens que l'on a pu repérer simplement parce qu'on pensait qu'ils pouvaient être sorciers. Et on a vérifié sur leur corps d'abord la présence de la marque diabolique. On l'a trouvé. Par exemple, un bourreau des Ardennes disait qu'il avait sondé ainsi le corps de 300 sorcières. Volontairement ou non, certains venaient volontairement pour se dédouaner de l'accusation de sorcellerie. On prenait une longue aiguille d'argent et on piquait l'endroit en question, qui pouvait être l'endroit d'une cicatrice ou quelque chose de ce genre. Et si aucun sang ne s'écoulait, s'il n'y avait pas de douleur, c'était une marque diabolique. Et à partir de là, on pouvait non pas condamner la sorcière, mais entamer la vraie procédure judiciaire et par exemple employer la torture pour la faire avouer. Donc la marque diabolique n'est que la certitude qu'on a affaire à un adepte du démon, qui n'est plus normal. Son corps est différent des autres, son corps peut voler par exemple, son corps est plus léger. Une autre des manières de vérifier la sorcellerie, on peut encore aujourd'hui avoir un certificat si on y va, c'est dans une ville de Hollande, à Hondewater, on pèse les prétendus sorciers sur la balance de la ville, et si leur apparence ne correspond pas à leur poids, s'ils semblent plus légers, ils sont sorciers. Aujourd'hui encore, nos auditeurs qui craignent d'être sorciers ou sorcières ils peuvent aller se faire peser à Hondewater, en Hollande. Cette émission est très utile. Et obtenir un certificat de bon poids et bonne mœurs, effectivement. Alors, on voit du coup, vers cette fin du XVe siècle, le pape qui commence à renforcer la chasse aux sorciers, avec une bulle de 1908 contre les sorciers, et puis la publication de ce Maleus Maleficarum, un grand traité de chasse aux sorcières. C'est ça. XVe siècle, fin du XVe siècle, la chasse est lancée par l'Église. Mais elle va attendre un petit siècle parce qu'il faut le temps que les générations s'adaptent. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'Église qui va exterminer les sorcières. L'Église ne condamne pas à mort, elle donne le message, elle permet d'identifier. Mais il faut attendre que les États, c'est-à-dire les bras séculiers, s'en saisissent vraiment. Et c'est à partir de 1580 à peu près, avec en France l'équivalent d'un prix Nobel d'aujourd'hui, Jean Bodin, un homme d'une grande intelligence, qui est un chasseur de sorciers terrible. Ah oui ? Oui. Comment est-ce qu'il s'y prend ? Il a écrit en fait le grand manuel de chasse aux sorciers qui s'appelle « La démonomanie des sorciers ». Il dit dedans « Tout le monde doit croire aux sorciers, il faut les exterminer. Et ceux qui n'y croient pas, il faudrait aussi les exterminer. » L'étape suivante, Robert Muchamblé, c'est quand on demande au fond aux pécheurs potentiels d'intérioriser l'affrontement entre le bien et le mal, de dompter et de domestiquer ce démon en soi-même comme objet de méfiance et de refus, une sorte d'intériorisation du mal. Est-ce que ça correspond à un recul de la figure majestueuse de Satan ? Non, pas du tout, c'est parallèle. C'est-à-dire, on a maintenant en fait trois figures typiques de Satan. La majestueuse, l'enfer, celle également de l'homme fourchu, poilu, un peu diabolique qui va apparaître à quelqu'un. Et troisièmement, l'intériorisation, c'est-à-dire le principe du mal à l'intérieur des corps que l'on détermine en faisant cracher à un possédé toute une série de bêtes visqueuses et autres, c'est-à-dire d'animaux censés être diaboliques. C'est ainsi qu'on le découvre. Par exemple, les vaches de l'époque que l'on faisait cracher, qui étaient pas folles mais qui étaient diabolisées, à qui on faisait cracher toute une série de crapauds, de sauterelles, de mouches, de serpents. Et ça voulait dire qu'un voisin tentait de faire du tort en faisant mourir la vache en question. La vache, alors, nous en parlerons dans une autre émission. Voilà, les trois principes fonctionnent en même temps. C'est-à-dire, on a les trois figures, une énorme extérieure, une humaine et une intériorisée. En somme, il commence d'être de plus en plus fréquent que le diable soit défait, comme par exemple Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir de Jacques Prévert et Marcel Carné. Avancez votre cavalier, René. Trop tard, j'ai joué. Qu'y a-t-il ? Un seigneur égaré, surpris par l'orage, demande l'hospitalité pour la nuit. Excusez-moi, je dois souhaiter la bienvenue à ce visiteur inattendu. Je vous remercie. Vous venez de loin, ça. Oh, de très loin. Je suis un grand voyageur. Cet orage m'a surpris. Ce n'est pas que je craigne la foudre. Je risquais d'être trempé jusqu'à l'os, ce qui est fort déplaisant. Quel beau feu! Oh, j'aime bien le feu. Lui aussi m'aime bien. Tenez, voyez comme les flammes sont prégnantes pour moi. Elle me lèche les doigts comme le ferait un jeune chien. C'est agréable. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Il va que mon nom, mes titres ne vous diraient pas grand-chose. Je viens de si loin. Oublié dans son pays, inconnu ailleurs. Tel est le destin du voyageur. Mais véritablement, je suis ravi de me trouver en aussi galante compagnie. J'espère que vous nous ferez l'honneur de partager notre repas. Avec grand plaisir. Mais aurais-je interrompu votre partie ? Ça ne fait rien, j'étais battu d'avance. Croyez-vous ? Croyez-vous, ça c'est la réplique de Jules Berry, les Visiteurs du Soir, 1942. Voilà le diable, pour une des premières fois, sur le point d'être défait, il va être défait par l'amour, Robert Muchamblé. Magnifique Jules Berry, effectivement, c'est le diable humain, c'est-à-dire c'est la deuxième figure qui est en train d'évoluer vers Méphistophélès et vers le diable qui va être défait à nouveau. C'est la fin du pacte satanique dont on ne sort plus. à partir de 1682 en France, les sorcières ne sont plus brûlées officiellement, il y a un édit royal qui l'interdit, et on entre dans un moment nouveau où le démon, au fond, c'est peut-être autre chose, un homme un peu différent. La porte s'ouvre à nouveau. La porte s'ouvre à nouveau. 10 ans avant la date que vous évoquez, en 1772, c'est le diable amoureux de Jacques Cazotte, c'est aussi une date. Jacques Cazotte, 1772, c'est précisément, alors là, au point de vue littéraire, l'entrée dans le fantastique. Et le fantastique à la française. Parce qu'il avait fait 3 fins, en fait, à son livre, Cazotte. Ah oui, lesquelles ? Et la première qu'il donnait était une fin traditionnelle ancienne, où au fond, l'homme était défait par le démon. L'être humain était vaincu. Et les lecteurs ont réagi. Et finalement, il a choisi, dans sa réédition, une autre fin de l'histoire dans laquelle il laisse planer le doute. Ça peut être un rêve. Ça n'a peut-être pas existé. Et ça, ça va être la base du fantastique à la française, de l'ironie sur le diable. On y croit un peu, mais plus assez pour en avoir terriblement peur. D'une édition à l'autre, on passe de la croyance à l'imaginaire. Exactement, on passe de la croyance à l'imaginaire. Et romantique, mais ils en ont fait une sorte de dandy raffiné, ironique. C'est encore un stade juste après, avec le diable qui a pu être considéré comme étant la possibilité d'exprimer la suggestion de l'homme à un dieu tyrannique, dieu méchant. Et le diable beau, superbement beau de Byron, ou encore romantique et révolutionnaire de Victor Hugo. Effectivement, il est devenu le dandy à la mode, délicieusement méphistophélesque. Même Proudhon aussi. Proudhon, bien sûr, toute une série de penseurs du 19e ont pu croire à un démon qui pouvait être une aide contre les tyrannies du pouvoir. Dans Consuelo, j'observe que George Sand réhabilite, c'est topique, l'archange de la révolte légitime. Donc il faut de la gratitude à l'égard de Satan. Le diable m'a dit, Ferré, fais-moi une chanson. C'était une commande, et puis une commande du diable, mon Dieu, ça change. Thank you, Satan. La flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portes que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Pour les étoiles que tu sèmes dans le remords des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Thank you, Satan. Vous avez reconnu Thank You Satan, la fameuse chanson de Léo Ferré ici, dans un enregistrement public de 1961. Robert Muchamblay. Le diable de la révolte. Oui. Il a changé d'aspect, là. Il est le chantre de la liberté, de la révolution, de la fin des carcans. Il est effectivement tout à fait différent. La révolte légitime dont parlait Georges Sand. La révolte légitime, l'archange de la révolte, et puis la mode du diable qui a été celle des romantiques. On se coiffait, on se peignait, mais on se présentait à la diable, et pour séduire les dames, il fallait être un peu diabolique sur les bords à ce moment précis. Donc un diable très positif. Ce qui nous conduit à vous demander quelle est l'évolution de l'Église catholique elle-même à l'égard du diable, qui a été porteuse pendant des siècles de cette image. Elle l'a conservée. Elle a conservé très longtemps, le plus longtemps possible, l'image négative du démon, parce qu'au fond, je crois que le grand succès de l'Église catholique était en particulier de mettre un Satan hyper puissant sous la tutelle de Dieu. C'est-à-dire d'expliquer que la foi était absolument indispensable parce que le démon était partout, mais que ce démon ne pouvait être tenu que par Dieu. Donc elle a continué, et au début du XXe siècle, par exemple, dans les grands catéchismes illustrés, oui, on apprend aux enfants qu'ils ont derrière eux non seulement un petit ange gardien, mais un démon personnel familier, et que le démon en question grandit à mesure de leurs mauvaises actions. Il y a les deux qui se disputent l'âme de l'enfant. Il n'y a pas un risque de manichéisme là? Il y a toujours eu un risque de manichéisme dans l'Église, puisqu'au fond. Ça à propos de Milou dans Tintin. Tout à fait, c'est Milou, Milou Tintin au Tibet avec Milou qui a les deux. Mais ce qui est dans l'île noire aussi. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'une partie de notre goût pour les BD qui racontent ça ou pour les films qui racontent ça vient du fait que les générations antérieures ont été nourries de cela à travers la BD catholique. Ah oui. Qui n'a pas disparu depuis si longtemps, parce que les catéchismes catholiques aux Pays-Bas continuaient à enseigner cela dans les années 1970, y compris en Indonésie, d'ailleurs, dans les catéchismes qui étaient à usage d'autres peuples. D'ailleurs, l'œuvre d'Hergé s'enracine typiquement dans ce milieu-là, en Tout Belgique, à fait. Parfait, le petit parfaitement. 20e siècle, dans les années 1920 finissantes. Exactement. Donc, l'Église a tenté, elle s'est adaptée au goût du jour, bien sûr. Elle ne pouvait plus aussi nettement montrer un enfer, et surtout à partir de Vatican II. L'enfer a régressé, l'image de l'enfer a régressé. Mais l'Église est revenue là-dessus parce qu'elle est en contradiction, au fond, avec ses propres principes au point de départ. C'est qu'actuellement, Satan s'effiloche en même temps que le catholicisme, et c'est un problème. Oui, alors on a le sentiment, effectivement, d'une hésitation. Vatican II, par rapport aux fulgurances tragiques du Concile de Trente, c'est tout de même assez loin. On peut se retour aux Érasmiens qui avaient été défaits et qui étaient une religion intériorisée. Et en même temps, la crainte de trop s'en éloigner. On retrouve d'ailleurs cette incertitude, semble-t-il, cette ambivalence dans des propos de l'abbé Pierre, de 1985. La foi nous fait savoir, avec très peu de précision, mais nous fait savoir l'existence de Satan et d'anges déchus à de nombreux passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament, il en est fait état. Donc cela fait partie de la foi. Et ça peut donner lieu à des manifestations de ce type pour vous? Voyez-vous, le croyant devant des faits comme ceux-là est beaucoup plus à l'aise que l'incroyant. Car pour le croyant, il sait que c'est possible, mais il garde toute sa liberté d'observation, d'investigation, il n'est contraint. Tandis que le non-croyant part a priori avec la pensée que c'est impossible, que ça ne peut pas exister. Alors que le croyant est dans une attitude de liberté de sa pensée. Il faut savoir que tout diocèse a un prêtre mandaté par l'évêque comme exorciste, toujours. Et le plus souvent, il ne met pas ça sur sa carte de visite. Ce n'est pas quelque chose que l'on crie sur les toits. Mais tout diocèse a un prêtre qui est choisi comme parmi les personnes qui ont une vie spirituelle très intense, car dans le passé... Et à votre connaissance, ce prêtre qui a cette fonction est appelé souvent en France aujourd'hui? Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire, mais ce que je sais, c'est que il y a eu dans le passé des prêtres tentant d'intervenir, non mandatés par leur évêque, et on a connu des faits, des cas. Alors on pourra se demander, mais est-ce que ce n'était pas purement un effet psychologique de contagion? Le croyant dit peut-être, je n'en sais rien, mais on a vu quelquefois des prêtres tentant de faire l'exorcisme devant quelqu'un, de posséder, comme on disait jadis, et lui-même se trouvant perturbé avec tous les signes de la possession. Bien. Mais pour le croyant, pas de problème. Peut-être que oui, peut-être que non, avec toute la raison, l'intelligence, on va observer. Ce propos de l'abbé Pierre est de 1985. Robert Muchambly, l'abbé Pierre nous dit, je ne sais pas si on fait beaucoup appel à l'exorcisme, vous le savez, vous ? Ben, c'est-à-dire qu'on a l'impression que oui, parce que récemment, il y a eu une multiplication des exorcistes en France, et la papauté a pris d'ailleurs une décision concernant les nouveaux rituels de l'exorcisme. C'est-à-dire ? Ça, c'est-à-dire que on a décidé de revenir, enfin de travailler le terrain de façon plus intense qu'auparavant, après avoir hésité. Après Vatican II, effectivement, est-ce que les chrétiens acceptaient cette image toujours infernale et des flammes et du soufre ? Apparemment non. Mais je crois que le diable revient par la fenêtre dans la demande de ce que les sociologues appellent le numineux, c'est-à-dire dans la demande d'un sacré qui n'est pas exprimé directement par les grandes églises. Alors, où ce sont les sectes qui obtiennent finalement les adhésions parce que l'Église n'y répond pas, où on doit tenir compte de cette demande intense qui est celle d'un désarroi en face de phénomènes incompréhensibles. Si bien que les exorcistes sont à la fois, et c'est l'Église catholique est très gênée, sont à la fois des sortes de psychologues, ils doivent trier. La plupart du temps, ils disent « j'ai reçu énormément de cas, des milliers de cas, mais il y en a très peu qui relèvent peut-être de la catégorie qui est celle exactement du diabolique. » C'est ce que disait le prêtre tout à l'heure, deux à coup sûr sur des milliers, exactement. Et l'abbé Pierre est de la même prudence. Exactement, c'est ce que disait un exorciste du diocèse de Rome, qu'il avait connu des centaines de milliers de cas, mais très peu réellement qui pouvaient dépendre de sa fonction. Mais il n'empêche que l'Église se sent obligée de tenir compte du phénomène. Et les théologiens sont très gênés pour essayer d'expliquer qu'on croit toujours au principe du mal sans l'incarner. Si bien qu'ils sont obligés souvent de jongler entre l'obligation de la croyance, elle est fondamentale, et puis sa manifestation chez les fidèles. Et on se trouve ainsi dans une église fin de siècle ou début du troisième millénaire qui est obligée de revisiter ses conceptions en la matière pour s'adapter à une société où toute une série de désarrois religieux s'exprime. Vous nous dites d'ailleurs dans votre histoire du diable que vous observez que, d'après un sondage, 24% des étudiants de Montpellier, en 1988 encore, 24% croyaient en l'existence du démon. Tout à fait. Et même pour les Français en général, on a toujours une minorité non négligeable qui croit dans l'existence du démon. Le seul problème est de savoir exactement de quel démon il s'agit. Est-ce que c'est un principe ou est-ce que c'est une manifestation concrète et formelle ? Il faudrait affiner les enquêtes pour avoir un peu plus d'indications sur le contenu exact de la notion démoniaque. Car on a en même temps les croyants qui pensent au démon dans le cadre classique, et puis les non-croyants qui, au fond, croient parfois à l'existence d'un principe immatériel qui s'appelle le mal ou le démon. Donc, il faudrait qu'on travaille peut-être d'un peu plus près ce genre de choses. Et quand on regarde, effectivement, sous cet éclairage que vous nous donnez, ce qu'on peut appeler une nouvelle vague diabolique, peut-être, oui, tout à fait, contemporaine, on est frappé aussi, sous la lumière de la longue durée de tout à l'heure, on est frappé du fait que cette vague continue d'être subdivisée en deux grands courants, comme toujours, l'approche du plaisir et l'approche de la terreur. La tentation d'être heureux, ou d'aider paradoxalement au bonheur, et puis l'angoisse fondamentale. Tout à fait, la désacralisation du diable, qui a été produite aussi par la Révolution française, les romantiques d'une certaine manière, etc. Et puis une approche qui est une approche un peu plus proche précisément de ce qu'était le XVIIe siècle des chasseurs de sorcières. D'un côté, l'ironie à la française que l'on trouve dans, par exemple, ce magnifique Jules Berry, et de l'autre côté, la terrible croyance de la présence agissante de Satan qu'on trouve dans la civilisation américaine. C'est ça. Alors, il y a le versant. Prenons d'abord le versant du plaisir, ce personnage ludique aux cornes rabotées, en fait. Tout à fait. Le diable, avec un étonnant retournement d'image. C'est presque le symbole du plaisir, presque de la jouissance. L'expression « mettre le diable en enfer ». Ça veut dire avoir des relations sexuelles, mettre le démon en place, effectivement. C'est d'ailleurs un très très beau conte, un magnifique conte de La Fontaine, ouais, inspiré de Boccace, ouais, auquel je renvoie juste après cette émission. Tous nos auditeurs et nos auditrices, mettre le diable en enfer. Donc il y a cette sorte

on arrive au tueur né, on arrive en somme à quelqu'un qui est touché par l'aile du démon, ne peut qu'être détruit. C'est un peu le mythe du vampire qui est un mythe très tardif, c'est-à-dire le vampire quand il mord quelqu'un, ce quelqu'un ne peut pas s'en sortir. Définitivement, il est détruit. Alors que la culture européenne, catholique, française, considère qu'on peut toujours, au fond, faire une négociation et qu'on arrivera peut-être à trouver une solution avec le démon comme avec beaucoup d'autres choses. Donc c'est le versant noir qui est plus dominant dans la culture américaine actuelle. Quand on voit des films comme Sleepy Hollow, par exemple. Oui, rappelez. C'est cette histoire d'un mort-vivant, enfin d'un homme à la tête coupée qui tue dans les forêts de l'Amérique du début, enfin de l'Amérique, disons, je crois que c'est du 18e siècle. C'est typique de la société américaine, avec la deuxième grande idée qui était à la base, au fond, du fonctionnement du mythe du démon, c'est que seul un peuple guidé par Dieu et tenant en tutelle le diable peut sauver le monde. Et ça, c'est par exemple Armageddon, un film qui est très médiocre à mon avis, bien qu'il y ait Bruce Willis à l'intérieur, qui raconte que un équipage de fusées s'en va sauver la Terre entière d'une épouvantable menace planétaire, au fond, qui est une transposition des peurs démoniaques qui, dans l'Amérique, se sont à la fois répercutées chez les sorcières de Salem, puis chez les Rouges des années 1950, les Russes, puis Alien, la créature extraterrestre. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire, la hiérarchie, c'est Dieu en tête et le démon est juste après. Dieu nous aide si nous l'aidons. Donc, il faut détruire le diable. Dieu juste ne peut exister d'ailleurs que parce que le démon existe. On frôle presque le manichéisme. C'est une hérésie. Oui, c'est une hérésie, mais je crois que c'est un sentiment commun culturel que l'on trouve, par exemple, dans les réactions quelquefois extrêmement étonnantes de ces jeunes tueurs américains qu'on appelle les tueurs nés ou les assassins. Les assassins très nombreux des écoles. Littleton, au Colorado, en 99, n'était que l'une des dizaines d'affaires qui ont eu lieu, où des jeunes sont arrivés avec une idéologie. On disait à Littleton un peu nazi, un peu sataniste, peu importe, ils ont assassiné, ils ont tiré au hasard, tué 13 personnes dans ce cas précis. Avant de se tuer eux-mêmes. Avant de se suicider eux-mêmes. Et on se trouve là dans une sorte d'idée, effectivement, que le monde est blanc ou noir et qu'il n'y a absolument aucun choix à partir du moment où on se trouve effleuré par l'aile de l'archange noir. Et que si on est sous sa coupe, on ne peut pas s'en sortir. Le pacte est définitif, il est mauvais, il est négatif. Cette différence profonde de sensibilité à l'égard de ces choses des deux côtés de l'océan se traduit en particulier par l'inégale pression, présence, succès des sectes d'un côté à l'autre. Par exemple, fameuse secte Vika, qui est l'ordre international des sorciers lucifériens, et qui compterait 2 millions de membres aux États-Unis, 500 000 en Grande-Bretagne et pas plus de 500 en France. Ces chiffres sont avérés ? C'était dans les années 80, je n'ai pas trouvé d'autres chiffres précis, mais j'ai trouvé d'autres indications sur la Grande-Bretagne où ça continue à progresser. Il s'agit effectivement de sectes lucifériennes ou sataniques qui sont particulièrement implantées dans cet univers anglo-saxon. Aux États-Unis, elles sont plutôt d'ailleurs de culture, disons, de gauche, entre guillemets. Ce ne sont pas des nazis, précisément. Ce sont des sectes qui sont assez bien intégrées dans le tissu social, au fond. Le diable passe à gauche, là ? Le diable peut passer à gauche. Il a toujours été à gauche, puisqu'il a toujours été sinistre. C'est-à-dire, si on cherchait la marque diabolique sur un corps humain, c'était à gauche qu'on le cherchait. Remet en cause l'ordre divin, ce qui est une forme de partie du mouvement, en quelque sorte. Tout simplement parce que dans les tympans de cathédrale, les élus sont à droite et les damnés sont à gauche. Alors, je sais bien qu'au sens politique, que les choses ont beaucoup changé en France. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne peut plus suivre exactement ce genre de fonctionnement mental, mais il y a encore l'idée que la partie gauche du corps est la partie démoniaque. Sauf à penser que le démon, c'est celui qui dérange les lignes, qui précisément... C'est ça, c'est celui qui dérange... C'est une façon de rattraper notre binôme. C'est ça, il dérange les lignes, mais il faudrait d'ailleurs regarder si aux États-Unis, ils continuent à s'inspirer de cette forme de la division entre la droite et la gauche, parce qu'en France, c'était le cas, on cherchait systématiquement la marque de la sorcière à gauche du corps. Et en même temps, c'est vrai qu'alors tout à fait à l'autre bout de l'éventail, vous le disiez il y a un instant, il y a des connivences qui apparaissent aux États-Unis avec des résurgences de nazisme. Oui, tout à fait. Avec Hitler étant une sorte de... C'est-à-dire, il y a toute une série d'autres sectes qui sont des sectes comme celle de la Final Church de Manson, qui a assassiné la femme de Roman Polanski. D'ailleurs, quelque chose d'assez étonnant. Roman Polanski lui-même est un auteur de films vampires, diables, etc. Quoique lui, c'est un Polonais influencé par l'ironie à la française. Oui, il est à cheval entre les deux cultures. Entre les deux cultures. On est en 69 quand Sharon Tate a été assassiné. Il venait de produire cette histoire d'un bébé du diable où il a réussi à nous faire croire que le bébé existe, que le bébé avait une tête de démon, alors qu'aucune image dans le film ne le montre. Et pourtant, les gens ont conservé, ce qui n'est pas une image subliminale, mais l'idée qu'on avait vu le démon. Il est quand même un excellent cinéaste. Ça veut dire en même temps qu'il se fondait sur la permanence de réalité de la croyance, psychique, de la croyance. Mais il venait sur l'idée également, qui était celle de Cazotte, est-ce qu'au fond, ceci est un rêve? Parce qu'à la fin du film, c'est ce qu'on peut se dire. Est-ce que c'est un esprit malade qui se réveille, ou bien est-ce que ça a eu réellement lieu? Tandis que, dans le cas américain, les sectes en question et le fonctionnement, disons, de l'industrie de masse donnent une pâture culturelle qui est beaucoup plus simpliste, qui est en fait noir et blanc, qui est démoniaque ou divine. Il faut être du bon côté. L'histoire sinistre de Sharon Tate incarne bien ce passage de Polanski, vous disiez héritier du diable amoureux de Cazotte, et ça se termine de façon sinistre, puisque Sharon Tate et quatre autres personnes assassinées, leur sang a été utilisé pour rédiger des inscriptions diaboliques sur les murs. Et ce genre de secte existe aux États-Unis. Nous n'avons pas de précision aisée là-dessus, mais il s'agit de choses extrêmement épouvantables qui ont eu quelques petites incidences en France, et par exemple les profanations de cimetières. Mais ça n'a pas énormément touché la culture française. Je veux dire, ce sont des choses un peu aberrantes, extraordinaires. Oui, alors que dans le cas américain, on a l'impression de résurgence fréquente. On a l'impression d'utilisation assez fréquente de rituels et de croyances. Ou encore, de temps en temps, on les voit apparaître dans une série télévisée qui présente une jeune femme se battant contre les vampires tous les samedis soirs sur une chaîne de télévision française. Un peu avec humour cette fois, mais quand même on voit disparaître des vampires. C'est Buffy, je me trompe? C'est Buffy. Ah oui. Buffy et les vampires, effectivement, qui est quelque chose de très culturel américain. On pourrait presque penser qu'en somme l'Amérique serait l'héritière de la face sombre du Moyen-Âge et de la Renaissance. Je tiendrais l'héritage antérieur, celui du début du Moyen-Âge, plus détaché. Il est fort probable que ce soit vrai, c'est-à-dire que les traditions européennes sont plus mélangées et qu'elles font maintenant la part du diable. Eh bien, terminons sur cette part du diable avec un grand merci à vous, Robert Buchamblet, au diable aussi, qui jusqu'ici, en tout cas, n'a pas troublé notre émission. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire du diable, 12e-20e siècle, paru au Seuil en 2000. Et je voudrais citer aussi, chez le même éditeur, l'année dernière, le livre de François Champion et Martine Cohen, Secte et démocratie. Et bon et doux. Bien loin sur un coteau, il existe un petit village. Bien loin sur un coteau, il existe un petit hameau. Où les garçons vivent rangés, où les filles sont sages. Où les garçons vivent rangés avec leurs fleurs d'oranger. Et bon et doux. C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau. Le réalisateur était Patrick Molinier, le preneur de son Jean Prisot, documentation Yaël Mandelbaum, Ève Bonivard et Nathalie Rouvillain, avec pour les archives de l'INA, Florence Dartois. La vieille Mélanie passe pour être un peu sorcière. La vieille Mélanie a vu le diable, à ce qu'on dit. Le diable derrière un buisson, pas loin du cimetière. Le diable derrière un buisson, pas loin de la maison. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 16 décembre 2000 et qui s'intitulait « Le diable existe-t-il ? avec le professeur Robert Muchamblé. Et la semaine prochaine, je recevrai Pascal Horry pour une émission qui sera consacrée à Pierre Dac. Mélanie avec le diable en train de prendre une leçon d'amour près de la maison. Et bon, et bon, et doux, et bon, et bon, et doux, et bon, et bon, et doux, et bon, et bon, et doux.